elle est très réduite, la menthe, on cherche de partout. Dans ton équipe, bon, là, je cherche un truc. Achille, tu peux l'appeler? Allez, appelez Cap. Oh, allô. Ah, vas-y, bouge pas là. Posé dans la caisse, une sacoche Louis Vuitton. On a invité normal à plein nous venons. Pourquoi vous vous vantez comme vous êtes sous mignon? Tu lui manges le minou pour sa quête de trou mignon. Du bouteille sur la table, vous êtes que des minables. Le secteur est miné, chez nous rien de formidable. Nous on va tout niquer, faire partage équitable. On va faire que palper, pas besoin de comptable. Un thème à 530, je fais un tour pour changer. Y'a aucun danger, un jour on va se venger de ce qu'ils nous ont fait, de ce qu'ils nous ont pris. C'est nous en épée, le futur du rappeur. Pas besoin de karaté pour les niquer, c'est rapteux. Au studio, je fais un son, charger la migraine. Au bec, je suis chez moi, mon trait d'immigré. Imagine ce que je ferais pour briser les chaînes. On avance, rien à foutre du regard des gens. Je suis pas gêné, sauf quand tu changes de camp. Faut franchir un cap, jamais mettre les gants. Ça marche pas, mon frère, on trouvera un plan. C'est au culot qu'il faut faire les choses. Déterminé qu'on défend une cause. Serratus tout mort, ils te voient la face. Ils se baisent entre eux, même si la monnaie est fausse. Y'a pas que les fans qui se couchent comme Miley. On a un pute, nous c'est que maillé. Même enfermé, on mouille le maillot. Y'a plus le temps de bailler, je viens mettre bien les rouillots. Faire le rouleau dans un Golf GTI. C'est plus quoi faire comme tous les jours t'es ivre. C'est pas de notre faute si tu souris pas. Tu baisses les bras, que t'es dans ton délire. Des frères qui vrillent et des frères qui se rangent. Des rats sérieux et des rats étranges. Des meufs timides et des meufs qui scampent. Ça c'est mon quartier, là où les mauvaises langues. Rigole avec toi et pas derrière te plante. On grandit avec ça, mais bon, chacun sa chance. Chacun sa répute, pour ça que nous on avance. Pour ça que tu recules, que les sourcils tu fronces. Une grosse pensée à Villefranche, la Khamja. Au haut du J, tous les Hawes du Or. Les frères du B, tous ceux à Corba. Confinement au Tormi, gros voyou Horda. À la douche, t'es à quatre pattes, les fesses écartées. Le sang froid, c'est dans le cul, le lac et les gardes tout. Dedans, y'a v'là les frères qui rêvent de liberté. Une fois dehors pour retomber, on dirait qu'ils font tout. On se disait, cogno, t'es pas une vie mère. Là-bas, pour des mois, d'autres nouvelles vies mènent. Tu verras enfermé, pense que t'aurais pu être. Routine habituelle, un quatre-feuille à la fenêtre. Rien ne passe à l'étage, j'ai vois même pas le temps. Rien te stresse dans ta tête quand t'as pris plus de 4 ans. On encaisse les déceptions vu que c'est le destin. On encaisse tout ce qui est bizarre et même tes actions. Autour du bassin, au parloir, tu coffres tout. Mort et rien pour toi vu que ça te fait coffrer. Y'a les SS qui rient quand la taille, je passe pas. Y'a les lafrières qui grimpent quand le paco est bloqué. Rebouche ton œil, ton quand t'es branché. Partage ton terre-terre si t'as touché. J'la fais à la zob, non j'ai rien à prouver. Non j'en rien à personne, moi qu'est-ce que vous me voulez. J'en veux pas d'Elvira, j'ai jamais changé. Toi t'es un gros pipo, tu fais qu'inventer. Sam t'as la belle vie mais on le voit pas. On voit qu'avec les gros, toi t'aimes bien te montrer. Donner une image, je sais tout ce qu'ils savent faire. C'est que des salopes, les plus grands bluffeurs. Une fois devant l'OPJ, ces gens ils vont pas se taire. Ils font les fous au check, mais faut cramer le secteur. Bolide allemand avec les vitres teintées. Les bras écartés, sap comme les mecs blindés. Être le boss ou bien faire le dindon. Faire partie du game ou bien les regarder. Le regard des gens quand ils voient le patron. C'est le même que t'as quand ton pote fait planter. Dimanche il fait beau, bah ça sent la ronda. On s'en fout de tout, n'en a pas changé. Non c'est pas de l'or mais les bons mon cœur. Tant que moi j'ai, je donne sans veux encore. Même si je suis par terre ou jugé à tort. Assure la taille,